sur une autoroute comportant quatre voies. Pour l'instant, je ne sais pas si le conducteur de ce camion a oublié son clignotant gauche ou s'il a réellement l'intention de dépasser celui qui le précède, bien que réglementairement, il n'ait le droit d'emprunter ni la troisième ni la quatrième voie. Un coup d'œil jeté au rétroviseur confirme que personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux prendre la voie la plus à gauche. En conduite, plus il y aura de l'espace autour de moi, plus je serai en capacité de réagir pour éviter un problème. Réponse A.